Alors, dis-moi que t'es resté avec elle. Tu me disais, c'est la bonne, et bordel, qu'elle est belle. On refaisait le monde sur le canapé de l'appart. Maintenant, je voudrais savoir où tu te caches sur la carte. Alors, on s'est promis de pas se lâcher. Alors, et je crois bien qu'on s'est raté. T'as changé de numéro ou t'avais pas envie de me parler quand je t'ai appelé, hein? Alors, est-ce que t'as fini tes études? T'avais plein de rêves, mais juste pas assez d'une. J'ai une liste de tout ce que je voudrais dire. Toi qui réponds des présents quand on parlait d'avenir. Alors, on devait faire le tour de la terre. Tu sais, moi, ma valise est encore prête. Et si jamais tu nous reviens, est-ce que je vais te reconnaître? Faut pas qu'on laisse mourir nos promesses. Non. Alors, t'es où? Tu mens. C'est fou, j'y pense. Chaque jour, je te vois partout. Ils disent que tu reviendras pas. Que t'es malade, que t'es mort. J'aimerais que tu sois là, juste pour leur donner tort. Alors, tu m'appelles, tu te viens. C'est vrai, ça fait longtemps. Alors, tu m'appelles, tu te viens. Ça fait longtemps, tu dis rien. Je cherchais dans le quartier, oh non. J'ai fait le tour de la terre, mais non. J'ai demandé à ta mère, mais non. Pas de nouvelles. J'ai attendu tout l'été, oh non. J'ai espéré tout l'hiver, mais non. Mais comme le proverbe, pas de nouvelles. Alors, t'es parti chercher ton Eldorado? Tout le monde t'adore, on se kiffait à mort. T'es peut-être à Bora Bora, en maillot ou en tong. Si c'est une de tes blagues, celle-là, elle est trop longue. Alors, comment c'est ailleurs? J'attends un SMS ou un pigeon voyageur. Y'a encore nos tags sur le banc, lisible et entier. Faut que tu vois comme la ville a changé. Alors, tu sais que je suis un peu râleur. T'as toujours du retard, t'étais jamais à l'heure. Allô, y'a comme une latence. C'est plus que du retard là, c'est une absence. Alors, des nouvelles, même si elles sont mauvaises. J'ai fait tous les hôpitaux, appelé tous les hôtels. Si t'en as marre, dis-le-moi en face cash. Tu sais, j'ai passé l'âge, j'ai joué à cache-cache. Alors, faut que tu sortes de ta plante. On supporte dans la pente, on supporte plus l'attente. J'en ai marre, t'as tellement le dénouement. Est-ce que ça te plaît de savoir que tu nous mens? Alors, tu m'appelles, tu deviens. C'est vrai, ça fait longtemps. Tu te viens. C'est vrai, ça fait longtemps, tu dis rien. J'ai cherché dans le quartier, mais non. J'ai fait le tour de la terre, mais non. J'ai demandé à ta mère, mais non. Pas de nouvelles. J'ai attendu tout l'été, mais non. J'ai espéré tout l'hiver, mais non. Mais comme dit le proverbe, bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu deviens? C'est vrai, ça fait longtemps. Alors, dis-moi qu'est-ce que tu deviens? C'est vrai, ça fait longtemps, tu dis rien.